Bonjour les amis. Salut. Salut. Salut. Alors je crois que dans les grandes lignes, je suis plutôt quelqu'un qui peut être considéré comme une merde. vous le savez pas toujours autour de cette table parce qu'on se connaît peu finalement en dehors de 7h27 passées ensemble pour de sombres raisons contractuelles. Mais moi, si le karma existe vraiment dans la vie suivante, je serai une roue de tracteur ou une dent de Daniel Morin. Vraiment, je vais payer ma mère. Ce qui est la même chose. Alors nouvel exemple, ce week-end, j'étais assis à une terrasse, j'étais cool, peinard, je pensais à la mort. Quand un homme m'aborde pour me demander 50 centimes. Et alors il s'avère qu'à ce moment-là, par hasard, j'ai la somme sur moi. Et donc je lui donne en me disant, voilà, on sait jamais, il y a peut-être un dieu au fond, ce serait con de louper le paradis pour 50 centimes. Je veux dire, il m'aurait demandé 4 euros, j'aurais pris le risque. Mais là, 50 centimes, c'est l'équivalent d'un huitième de chronique sur France Inter, tu vois, voilà, c'est un compromis acceptable. Bref, je lui donne l'argent, il me regarde, il me dit, vous êtes originaire d'où ? Mais sa question m'étonne parce que j'avais pas dit un mot et tout ce que j'avais fait jusque-là me semble-t-il était hyper français quoi. J'avais fait une grimace en sortant l'argent de ma poche, un regard condescendant en lui donnant, puis j'avais détourné la tête, l'air de dire tu vois maintenant on sort de ma vie pour deux générations, pas dans le capital. Je vois pas comment j'aurais pu être plus français que ça quoi quelque part. J'ai pas commencé à me balader en permanence avec un camembert et une photo de Jean-Jacques Goldman juste pour éviter de stigmatiser quoi. Enfin, je crois que j'ai quand même pas une gueule de péruvien et quand on voit comment je suis habillé, on se dit bon il a pas de goût mais il a des papiers quoi. Là, bon, je finis quand même par lui dire que je viens de Belgique et là il me fait. Je peux vous demander un service ? Il me dit waouh, voilà une mendicité qui prend des proportions très exagérées. Un service maintenant ? Et puis quoi encore ? Un massage de la prostate ? Une dédicace de Nagui ? Un moule des pieds de Leïla ? Je suis un occidental moyen, moi, pour que je me mette à rendre des services à des inconnus, il faudrait que la médecine fasse des progrès fulgurants, quoi, vraiment. Et là, en l'occurrence, je suis à deux doigts d'appeler les gendarmes. Mais bon, je lui dis. Dites toujours, hein, je ne vous garantis pas que je serai encore à cette table à la fin de votre phrase, mais dites toujours. Et il me fait voilà, je collectionne les porte-clés. Est-ce que je peux vous demander, à votre retour en Belgique, de m'envoyer un porte-clés ? Mais certainement, et d'ailleurs j'ajouterai une scie sauteuse et une bouteille de Château Margaux dans le paquet pour que le DHL fasse pas le trajet pour rien. Là, lui envoyer un porte-clés gratuitement, mais j'ai filé le compte Tinder de Mathieu Ricard, vois ça avec lui directement quoi. Parce que voilà, envoyer un porte-clés, ça voudrait dire concrètement aller au centre-ville de Bruxelles, me taper des embouteillages que t'as envie de crever dans une cheminée, payer 12 balles un porte-clés mannequin piece dégueulasse, aller à la poste, faire la queue à la poste, acheter une enveloppe spéciale, un timbre spécial et l'envoyer. Ça pour que je le fasse pour quelqu'un de ma propre famille, il faut que ce soit au minimum un donneur de moelle quoi, vraiment pas moi, ou un héritage imminent, mes cousins, cousines, tantes, t'oublies hein. Non, mais non, lui, c'est tu sais quoi ? Ce mec que je vois pour la toute première fois de toute ma vie, que je connais depuis 9 secondes, ce mec à qui je dois 50 centimes, je le rappelle sans vouloir ressortir le vieux dossier déjà, c'est quand même quelqu'un que j'ai dépanné d'une petite somme, il va faire ça pour moi, gratuitement, en Europe du Nord, un jour d'octobre 2017. Putain, plus optimiste que ça, tu deviens colleur d'affiche pour Jean-François Copé, quoi, vraiment. Mais pourquoi ? Pour toi, je me dis pourquoi pas ? Je me suis dit pourquoi pas ? Mais je me suis dit pourquoi pas ? Ça fait combien de temps que j'ai plus fait un truc chouette gratuitement pour un inconnu sans rien attendre en retour ? Parce que je suis conditionné à penser qu'à ma gueule, quoi. Donc voilà, honnêtement, je suis rentré à Bruxelles, je suis arrivé chez moi et j'ai pas eu le temps. On allait chercher son porte-clés, honnêtement, parce que je devais écrire ce billet. Voilà, c'est comme ça, c'est important de créer des billets si je veux rester le plus longtemps possible de ce côté-ci de la mendicité. Mais voilà, j'y ai pensé quand même fort et rien que pour ça, je mériterais un peu d'être français, je trouve. Hein. Voilà, bonne émission, les amis. Guillaume Ruiz. Bravo. La bande originale sur France Inter.